Livy, un médecin en quelques minutes. Moi c'est Marie, j'ai 33 ans et je vis en région parisienne. Ce week-end j'ai été super malade. Il se trouve que je vis dans un coin où il y a peu de médecins et mon médecin traitant n'était pas disponible ce jour-là. Alors du coup j'ai téléchargé Livy. C'est une application de téléconsultation médicale vidéo. Ça a été ultra efficace quand j'étais coincée au lit. J'ai été prise en charge en quelques minutes par un médecin généraliste et dans la foulée j'ai reçu une ordonnance électronique. Je recommande Livy pour tous ceux qui ont besoin de consulter un médecin rapidement. Livy, un médecin en quelques minutes. Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En pédalo ou seul au boulot, en randonnée, dans une chaise longue ou tranquille dans la ville, 53 minutes de rediffusion choisies dans la série documentaire. Cette semaine, Fête du sport, une série documentaire de Juliette Boutillier réalisée par Annabelle Brouard. Au départ de cette série, il y a les bonnes résolutions, les souvenirs cauchemardesques des cours d'EPS, souffrance de l'endurance mais plaisir du vélo dans la ville. Mais les premiers sportifs étaient des chasseurs et des guerriers. Alors pour commencer, des personnages. Un historien du sport, un boxeur obéissant, Pierre de Coubertin, un historien sportif, un prof d'EPS lucide et celui qui était toujours choisi en dernier. Ensuite le décor. La guerre, la lutte des classes, le Moyen-Âge et l'Antiquité, des combats et des stratégies, le pancras, la savate, la violence, le plein air et l'idéologie. Aujourd'hui, premier épisode, on démarre en petite foulée. On y va pour voir. 2. On le fait 10 fois. 3. Tournez la tête de part et d'autre en regardant par-dessus l'épaule. Je suis d'une génération marquée par Nadia Comaneci et George Best, l'icône pop et alcoolique du football irlandais. Pour moi, le sport me rappelle bêtement l'odeur des gymnases du collège. Je me souviens du plaisir en EPS à confronter mon corps aux barres parallèles et aux sautoirs. Je me rappelle des roues, des rondades de ma jeunesse et de l'étrange honte de ce plaisir face à mes camarades non sportives. Allez, je rappelle, montée de genoux, c'est genoux à 90 degrés, sinon ça fonctionne pas. L'immobilisation de mon épaule fracturée par la chute à vélo réveille en moi l'envie de bouger. Me manque la liberté d'un corps qui ne serait ni empêché ni contraint, et au plus vite, le désir de récupérer certains gestes. Ouvrir une boîte de thon, lacer des souliers, etc., etc. Avec le désir surtout de retrouver les mouvements qui font vagabonder mon esprit. Pédaler, danser, nager en compagnie d'André. Je m'aperçois ainsi que je n'ai jamais cherché à muscler mon corps, à l'entretenir ni à le performer, mais simplement à le sentir. J'avoue n'avoir jamais pensé le sport, comme s'il m'avait toujours semblé indiscutable et indiscuté. Apprendre le sport, le corps redressé, chiffré et mesuré. Sport civil, d'élite, de masse, scolaire, militaire, amateur, professionnel, extrême ou de loisir, de bien-être ou de santé. Je crois qu'en fait, chacun met dans le vocable sport ce qu'il veut bien entendre. Il y a le terme, et puis il y a les pratiques. Comment considérer que les jeux du cirque, les courses de chars, l'athlétisme, qui existait sous maintes manières, la lutte, les combats, qui étaient des combats simulés, c'était pas des combats guerriers. Alors il y avait des moments où il y avait des mises à mort, donc attention, on est sur des choses qui sont glissantes, on n'est pas sur le même modèle qu'aujourd'hui, effectivement. Mais le sport, dans l'Antiquité, il existe. La difficulté qu'on a quand on veut se pencher sur l'histoire du sport, c'est la qualité et la quantité des sources. C'est ce qui a fait dire pendant longtemps, au Moyen-Âge, il ne se passe rien. Mais bon, quand on se penche quand même sur les sources relativement rares, mais on en a, on s'aperçoit qu'il y a des courses hippiques, il y a des courses athlétiques à Constantinople au Xe siècle. On a des statues du 8e siècle de joueuses de polo en Chine au 8e siècle. Bon, si on joue au polo en Chine au 8e siècle, ça veut bien dire que c'est pas un phénomène qui est apparu comme ça 10 siècles plus tard. On a des descriptions qui montrent qu'il y a des pratiques qui sont très régulières, où on a des paysans qui singent complètement les chevaliers en train de faire des joutes, sauf qu'ils sont sur des tonneaux, qu'ils ont des bouts de bois. Donc cette pratique, elle existe, sauf qu'elle est silencieuse. À la sonnerie, ça sera shadow point plus les jambes, jambes ligne basse. C'est parti. Le sport est traversé par la question des luttes de classe. Sébastien Nadeau. Vous savez que pour jouter dans la plupart des plus grandes joutes européennes de la fin du Moyen-Âge, il faut montrer patte blanche, il y a des héros d'armes, c'est-à-dire des sortes de juges-arbitres, et il faut indiquer depuis combien de temps on est dans une famille de la grande noblesse, sinon on n'a pas le droit. Et donc on a cette classe dominante de la noblesse pour la période médiévale, et on a ce passage vers la classe dominante de la bourgeoisie britannique, dont on est finalement encore aujourd'hui relativement les héritiers. Combinaison en point, d'accord? Je commence ici, uppercut, bras avant, crochet, direct du bras arrière, je ressors, je recharge et je remets un autre direct. Uppercut, crochet, je sors et je recharge, je remets un autre direct. Je recommence, je suis au corps à corps. Ok, allez, c'est parti, 2 minutes, let's go, allez. Quoi? C'est une allez, là. Jessica, lâche les coups, lâche les coups, lâche les coups. Allez, on voit. On frappe soit avec la pointe des pieds, soit avec le plat du pied. N'aborde pas les mouvements, allonge le bras. Et si tu frappes un petit peu au-dessus, c'est-à-dire avec le tibia, au coup, il est interdit. La savate, c'est vu qu'on a les pieds et les poings, il faut vraiment gérer sa distance, vu qu'on n'a pas la même distance en bras et en jambes. C'est très proche de l'escrime, la savate, ça vient de l'escrime. Donc c'est des coups très chirurgicaux qui visent des points très précis, le foie. Ça claque pas assez, on voit. Il faut toujours garder en tête la stratégie du combat et de se dire comment je peux surprendre mon adversaire. Est-ce que je lui fais croire que je suis fort en jambes et que d'un coup je rentre en point? Ce que je trouve assez génial, c'est que tu ressens vraiment la sensation d'être face à quelqu'un avec les gants et de se battre, mais sans violence du coup. Le pancrace des éphèbes spartiates était probablement le plus brutal de tous. Les concurrents luttaient avec toutes les parties du corps, avec les mains, les coudes, les genoux, le cou, la tête. À Sparte, ils employaient aussi les pieds. Les pancraeastes pouvaient s'arracher les yeux. Ils pouvaient aussi faire tomber leur adversaire, lui faire des prises aux pieds, au nez ou aux oreilles, lui disloquer les doigts et lui faire des étranglements. Pausanias nous rapporte que les combattants luttaient avec les dents et les ongles, se mordaient et s'arrachaient les yeux. L'abaissement du degré de la violence, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à mesurer. Quand on regarde le processus d'évolution des tournois vers la joute, les tournois, dans leur début, sont finalement des petites guerres avec un champ délimité et où ça part dans tous les sens. Parfois, il y a 2 équipes qui s'affrontent, mais parfois, il y en a 4 ou 5, on ne sait plus qui est avec qui. Et puis, à mesure qu'on avance dans le temps, en 3 siècles, on arrive à la joute. Et le fait est que la joute édulcore, essaie de faire tomber la violence à chaque nouveau règlement. Et donc, les questions éthiques, elles sont extrêmement présentes. La chevalerie, elle est adossée à la notion de prouesse, certes, mais à travers ces ordres chevaleresques qui sont très forts, elle est aussi adossée à la question de la loyauté. On peut plus être le barbare sanguinaire. Donc il faut s'adapter à des mœurs de la cour, y compris quand on est un grand guerrier. On est obligé de rentrer dans une logique où on adopte un certain nombre de comportements et de valeurs qui rendent respectable la trajectoire sociale qu'on veut emprunter. La première caractéristique essentielle de l'olympisme ancien, aussi bien que de l'olympisme moderne, c'est d'être une religion. En ciselant son corps par l'exercice, Pierre de Coubertin, comme le fait un sculpteur d'une statue, 1937. L'athlète antique honorait les dieux. En faisant de même, l'athlète moderne exalte sa patrie, sa race, son drapeau. J'estime donc avoir eu raison de restaurer dès le principe, autour de l'olympisme rénové, un sentiment religieux transformé et agrandi par l'internationalisme et la démocratie qui distingue les temps actuels, mais le même pourtant qui conduisait les jeunes Hellènes ambitieux du triomphe de leurs muscles au pied des autels de Zeus. Il y a même cette fascination pour la période antique chez les recréateurs du sport à la période moderne. Le baron de Coubertin est fasciné par deux périodes. Il est fasciné par l'Antiquité et puis par la chevalerie. Et donc, on retirera sur un modèle de pratique plutôt ce qui vient de l'Antiquité à travers l'athlétisme, la recréation du marathon, le décathlon. Mais sur la question des valeurs, sur la question d'une organisation, on en trouve plus que la trace quand on se penche sur la manière dont fonctionnent les ordres chevaleresques. On a vraiment un code de fraternité, on va pas frapper quelqu'un qui est au sol, quelqu'un qui est désarmé, c'est plus pareil. Et on s'aperçoit que ces codes qui viennent en plus de règles précises dans une confrontation sportive, c'est finalement ce qu'on va retrouver à travers l'esprit de l'olympisme. Allez, c'est parti, go ! Allez, on va voir ! Allez. Ressort. Salomé, ressort sur le deux premiers directs. Ressort. T'envoies ton direct, tu ressors et tu recharges, tu envoies le deuxième direct. Tu es au corps à corps, tu ressors et tu envoies. Ce qui me plaît dans la boxe française, c'est que c'est très réglé. Il faut armer les coups, il faut retenir la puissance. Les premières années, on envoie des coups, ils sont mal armés, ils sont trop forts, on fait mal à la personne en face, parce que c'est pas bien maîtrisé. Et au fur et à mesure des années, c'est vrai que si je vise le foie, je vais toucher le foie et je vais piquer au foie, voilà, ce sera très précis ou ce sera les côtes. Moi, c'est ça qui me plaît. 30 secondes. Allez. Il n'y a pas de différence homme-femme en fait. Tout le monde est traité pareil. Dans mon cas, je suis même très contente qu'on soit tous mélangés parce que j'ai plutôt un gabarit assez lourd en femme, donc je me retrouve plus facilement avec des personnes qui font mon poids chez les hommes. Ce que j'aime également en boxe, c'est pas juste frapper pour frapper. On n'est pas dans la cour de récré à balancer un coup de pied quoi. Vraiment, quand on est en assaut, l'idée c'est pas une idée de violence quoi. C'est vraiment une idée de. On appelle ça à la touche. Allez, souffle! Vers le plafond, c'est parti, abdos, pointe-pieds vers le plafond. Elle est au bout de ses ressources. J'adore le samedi après-midi, je suis dans un état de presque de transe, quoi, parce que je me suis défoulée, j'ai des courbatures, mais ça fait du bien, quoi. Il y a eu des activités physiques, des activités de loisirs, des joutes, des combats, des tournois de toute éternité. Mais ce qu'on appelle le sport au sens actuel du terme est apparu au début et au milieu du 19e siècle en Angleterre. Il correspond à une période très précise. François Tommaso. Qui est celle de la révolution industrielle qui est donc apparue en Angleterre à cette époque-là. Et ce que la révolution industrielle, le capitalisme, le sport moderne va valoriser, va mettre en avant, c'est la notion de performance. c'est de dire l'homme progresse. L'homme, grâce à nos, aux progrès techniques, scientifiques, aux progrès économiques, l'homme avance, l'homme recule ses limites et donc il bat des records. Donc la performance en elle-même devient la preuve que la société dans laquelle on vit et le système économique qu'on met en place, que ce système est valide et est valable parce qu'à la fin, il y a le record. Et cette notion de record qui apparaît vraiment finalement au début du XXe siècle, puisqu'on commence à les comptabiliser à peu près entre 1900 et 1910, les records d'athlétisme et de natation, il est vraiment très symptomatique de cette société moderne où subitement on compare les êtres humains les uns vers les autres et où on montre qu'un certain nombre d'entre eux, en travaillant, et parce qu'ils ont du talent, et parce qu'ils ont une génétique ou des prédispositions pour le faire, peuvent dominer les autres et ont le droit de le faire. On va créer à partir de cette performance et cette notion de record, ce nouveau concept qui est encore en place aujourd'hui, celui de la méritocratie. Et au final, l'athlète de haut niveau est presque divinisé. Enfin, les athlètes de haut niveau sont un peu considérés comme un genre de peuple élu qui mène toute l'humanité vers le progrès du corps, de la santé, de l'éducation, d'une tête bien faite dans un corps bien fait. Et donc Coubertin et donc la rénovation de l'olympisme repose totalement ses conceptions sur ce point de vue qui est que le sport, il le dit d'ailleurs, peut mieux que le progrès technique et que le progrès économique être une valeur de paix, une valeur de progrès. Et il pense que cette élite un petit peu de l'humanité peut quelque part tirer le reste de l'humanité vers le progrès, vers une forme d'absolu. Et donc il y a un effet tout à fait un côté religieux mystique dans la renaissance de l'olympisme. Chantons pour le sport, d'un cœur joyeux chantons l'essor de la jeunesse, qui se moquant de la gloire, vole vers la victoire. Chantons tous en cœur, les performances et les vainqueurs, allons sans peur, joyeux et forts, ivres d'efforts, chantons vive le sport. Il y a la devise olympique, hein, Situs, Altius, Fortius. Coubertin, cette idée du sport et l'olympisme, c'est une manière orientée avec une volonté, à un moment donné, éducative. Il est très marqué par ses passages en Angleterre. Il considère que dans le rapport au corps, il faut plus challenger son corps, il faut apprendre un petit peu la souffrance. Et tout ça, il voit dans ce qui se pratique déjà en Grande-Bretagne de l'intérêt. Donc c'est un modèle, celui de l'olympisme, qui est quand même celui de la performance et de la compétition. Contrairement à ce qu'on croit souvent, aujourd'hui on présente deux mondes dans le sport, hein, c'est de manière assez schématique, le sport professionnel qui serait totalement corrompu par l'argent et ainsi de suite, et donc assez peu défendable, et le sport amateur qui lui serait le sport justement qui véhicule ses valeurs, etc. Or, à l'origine, c'est un peu tout l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire qu'une forme de sport existait au début du 19e siècle qui était basée sur les paris, c'était les courses de chevaux. Les courses de chevaux existent depuis très longtemps. Elles sont à peine considérées encore aujourd'hui comme un sport. On ne parle pas vraiment de l'hippisme dans l'équipe, par exemple. Et pourquoi ? Parce qu'elles étaient tout de suite dévalorisées par la notion de pari. Et c'était un peu la même chose de la boxe et des sports de combat. Les gens allaient voir des matchs de boxe, non pas pour le style ou la musculature des champions, mais juste parce qu'ils avaient parié de l'argent sur l'un ou sur l'autre. Et d'ailleurs, très souvent, il y avait plus de bagarres dans la salle que sur le ring, puisque de toute façon, les gens étaient payés ou plus ou moins achetés pour se coucher, etc. Donc, dans l'institution des nouveaux sports, dans les public schools anglaises, on rejette complètement l'argent, on rejette cette notion de pari, on promeut un genre d'effort pur et de confrontation pure entre jeunes gens de haut niveau. Quant à moi, je voyage non pour aller quelque part, mais pour marcher. Je voyage pour le plaisir de voyager. L'important est de bouger, d'éprouver de plus près les nécessités et les embarras de la vie, de quitter le nid douillet de la civilisation, de sentir sous mes pieds le granit terrestre et les silex épars avec leurs coupons. Hélas, tandis que nous avançons dans l'existence et sommes plus préoccupés de nos petits égoïsmes, même un jour de congé est une chose qui requiert de la peine. Il Il y a eu comme ça un amour qui est arrivé du plein air, de la nature, du dépassement de soi, du retour au corps, parce que justement la révolution industrielle poussait les gens vers les villes, loin de la campagne, et poussait aussi à une compétition féroce entre eux, puisque le capitalisme, par définition, c'est l'exaltation de la concurrence. Le sport est arrivé donc comme ça, comme un moyen pour les gens qui quittaient la campagne de vivre encore une vie un peu active, de se mesurer les uns aux autres. Et petit à petit, le sport est devenu aussi un moyen d'éducation des jeunes gens, et notamment des jeunes gens de l'aristocratie et de la très haute bourgeoisie, dans les grandes universités, ce qu'on appelle les public schools anglaises. Et petit à petit, le sport, donc l'activité physique et la confrontation de ces jeunes gens, la compétition et la recherche de la performance, sont devenus une manière non seulement de modeler les jeunes gens, mais aussi de donner des valeurs à l'irruption du capitalisme triomphant, parce que finalement, le capitalisme triomphant, c'est quoi ? Ben, c'est valoriser les vainqueurs, c'est valoriser les gagnants, c'est un petit peu dévaloriser les perdants, et c'est donner un genre de corpus philosophique, corpus de valeurs, à un mode de fonctionnement qui n'est pas lui-même très, très valeureux, c'est le moins qu'on puisse dire. Être fort pour être utile. Être fort pour protéger autrui. Être fort pour secourir son prochain. Les premiers qui défendent le modèle sportif en éducation physique, c'est des gens comme Coubertin ou comme Pascal Grousset, qui dès la fin du 19e siècle vont revendiquer l'utilisation du modèle sportif anglais et des jeux dans l'éducation. Johan Fortune. Mais ça reste un vœu pieux, c'est-à-dire qu'il prône cette éducation physique plus sportive que gymnastique, mais pour autant il n'arrive pas à faire entrer le sport dans les pratiques scolaires. De mon point de vue, le premier point d'ancrage véritable du sport dans les pratiques, c'est le Front populaire qui va, en 1937, créer le brevet sportif populaire, qui est une sorte de brevet d'athlétisme, hein, où on court, on saute et on lance. Et ce brevet sportif populaire va devenir une épreuve aux examens du certificat d'études. Et puis Vichy, derrière, va faire la même chose avec le baccalauréat en 1941. Ce qui fait que progressivement, par cette voie de l'évaluation, on va dire, les pratiques sportives vont tranquillement commencer à entrer dans les pratiques des enseignants. Et ceci ne va faire que par la suite décoller après la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment une entrée progressive. Moi, je la vois en tout cas d'abord par le biais de l'évaluation, qui a été une manière officielle, en tout cas, de faire entrer le sport dans l'éducation physique. Placée sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République, cette fête commémora le 19 juin 1955 aux arènes de Lutèce le cinquantenaire de la méthode naturelle et les 80 ans de son auteur. La méthode naturelle s'adresse à tous, aux enfants ou aux adultes, aux hommes ou aux femmes, aux apprentis comme aux marins. La méthode naturelle est une méthode qui a été développée par Georges Hébert, hein, qui était un militaire de la marine nationale. C'est une méthode qui a été élaborée au début du XXe siècle et qui a, on va dire, eu un écho particulier en éducation physique. Globalement, la méthode naturelle a été une manière de faire une transition, en quelque sorte, entre les pratiques gymnastiques et les pratiques sportives, parce que quand on y regarde de plus près, la méthode naturelle dans la pratique des mouvements naturels, justement, ressemble encore un peu à de la gymnastique, et dans les manières dont elle est évaluée, dont les performances sont mesurées, elle ressemble en revanche à des pratiques sportives. Donc cette méthode naturelle dans l'entre-deux-guerres, elle va permettre en fait une transition en douceur, en quelque sorte, entre les gymnastiques anciennes et puis le sport. Il s'agit de développer et d'éduquer ces garçons par des exercices divers. Course, quadrupédie, réchappe, équilibrisme, grimper. Le souci de lutter contre un obstacle réel éclate dans tous les exercices de la méthode naturelle. Le saut de mouton, exercice récréatif, est également utilitaire. Chaque courant est marqué par une idéal d'homme à former, en quelque sorte. Selon les périodes, l'éducation physique, et plus largement l'école, ne vise pas à la formation du même type de citoyen. Le moniteur peut alors effectuer un contrôle précis de l'entraînement foncier. Si on reprend par exemple le cas de la gymnastique militaire qui va être très en vogue à la fin du 19e siècle, elle est évidemment à mettre en lien avec la revanche suite à la défaite de 1870, face aussi à l'émergence de ce sentiment revanchard et de ce sentiment républicain. Et donc on va voir apparaître un lien particulier qui va se tisser entre l'école de Jules Ferry et la gymnastique de type militaire. On va retrouver ça aussi plus tard, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, aussi avec des objectifs plutôt sanitaires, puisque la guerre va laisser des traces sur les corps, évidemment, des jeunes enfants. Les privations de nourriture, etc., vont engendrer le fait que l'éducation physique doit servir justement à restaurer un état de santé, à faire en sorte que les élèves soient plus costauds physiquement, qu'ils se redressent aussi corporellement pour éviter les dos voûtés, etc. Bref, il y a toujours une problématique sociétale derrière qui oriente la discipline. Dans les années 60, ce sera l'importance qu'un pays doit être capable de montrer aux Jeux Olympiques, par exemple. Bref, il y a toujours un idéal politique, un idéal de formation du citoyen derrière chaque courant, chaque période, chaque époque. Donc je vous rappelle les consignes pour votre activité cirque. Soit vous êtes spécialiste d'une activité, vous allez faire des figures complexes dans une activité cirque comme le jonglage, par exemple. Soit vous pouvez coupler deux activités, ok ? L'écueil à éviter, c'est de me faire toute une partie acrosport au début pour évacuer l'acrosport et après cirque. Le tout, là, c'est de me raconter une histoire ou d'avoir un thème avec toutes ces activités-là. Vous avez des questions ? Si le sport est présent à l'école, c'est parce qu'on lui adjoint des valeurs. Eh bien, allez, c'est parti. Ces valeurs, elles sont évidemment très larges. Hein. Ça peut être l'effort, le travail, l'émancipation, le contrôle de soi ou la responsabilité. Et donc, lorsque le sport a commencé à servir d'objet à l'éducation physique, c'est pas par n'importe quel sport que c'est arrivé. C'était la gymnastique, l'athlétisme et, pour son côté utilitaire, la natation. C'est-à-dire des sports qui finalement se ressemblent assez dans le sens où ce sont des sports très centrés sur des apprentissages techniques et aussi qui s'évaluent facilement. La natation s'évalue comme l'athlétisme par le biais du chronomètre, l'athlétisme ajoute le décamètre et puis la gymnastique, ça s'évalue par rapport à un code qui est clairement défini. Donc ce sont des activités qui s'évaluent plus facilement, pas plus justement mais plus facilement que les autres. Et donc c'est aussi à cause de cela que l'ancrage dans les pratiques sportives s'est fait à travers ces activités. 1, 2, 3. 1, 2, 3, tu lances. Mais non, c'est 1, 2, 3, tu lances. C'est pas 1, 2, 3 et 11. 1, 2, lance. Bah ouais, c'est possible. Ouais. Non, 1, 2, 3, lance. 1, 2, 3, lance. Bah 1, 3, 4, lance. Regarde, on fait ça. Non, c'est moi, je vais compter. Je compte. On a eu des mauvaises notes le reste du trimestre, du coup là on essaie de rectifier le tir, mais sinon je cherche un peu quand j'aime pas en fait. Enfin, c'est surtout parce que c'est le matin donc la plupart du temps j'ai juste pas envie de venir. Toutes les excuses sont bonnes moi pour moi. Là tu dis 1, 2, 3 et on lance. Vas-y, comme vous voulez. 1, 2, 3 et on lance, Marie. Je comprends pourquoi le sport justement c'est aussi bien, autant il y a autant un coefficient en fait par rapport aux autres matières, alors que c'est une matière, ça va pas servir à grand chose. Enfin, c'est bien pour l'hygiène de vie, mais en soi c'est pas indispensable par rapport à nos notes en fait. Mais c'est pas grave, c'est pas un décalage, un, je t'en fiche. 3. Désolé. 1, 2, 3. Après, il y a des valeurs beaucoup plus larges, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les défenseurs du sport veulent faire entrer un nouveau modèle, un nouveau support qu'est le sport, il faut pouvoir justifier aux yeux de l'institution qu'il a une utilité. Et cette utilité, on va la retrouver à travers justement les valeurs. Et donc, à cette époque, hein, là on est dans les années 50-60, il est évident que les valeurs qui sont associées à des activités comme l'athlétisme ou la gymnastique ne sont pas tout à fait les mêmes que celles qui sont associées au football, au basket, qui sont des sports collectifs où il y a plus, on va dire, un caractère hédoniste, un caractère de jeu, un caractère récréatif, alors que l'athlète, le gymnaste, le nageur sont des gens considérés comme sérieux, rigoureux, persévérants, etc. Ce qui n'est d'ailleurs absolument pas forcément le cas. Hein. Mais en tout cas, c'est sur ces valeurs-là que ça se fonde, justement parce que ce sont des valeurs qui entrent en résonance avec celle de l'école, hein, tout simplement. C'est le bon sportif, en quelque sorte le bon athlète ou le bon gymnaste, il ressemble assez fortement au bon élève. Hein. C'est celui qui répète, qui travaille, qui écoute et qui est sérieux, quoi. Il y a des êtres humains qui ont une pensée forte dans un corps débile, une vie ardente de l'esprit dans un organisme délabré, mais cette anomalie ne peut être qu'individuelle et singulière et doit rester une exception. Marcel Edmond Négelen. Une race n'est forte, une nation n'est féconde. 1946. Un peuple n'est riche de capacités que si les corps des hommes sont robustes et sains. L'intelligence serait rapidement en décadence dans un pays où la santé générale aurait décliné. Le sang du corps et la flamme de l'esprit ne se séparent pas. Le sport, comme le génie, est une longue patience dont on cueille les fruits le jour de l'épreuve, au soleil du stade, dans l'effort suprême auquel on s'est méthodiquement préparé. La conquête sportive est en définitive une victoire de l'esprit sur la nature, un progrès de l'homme. Voilà ce que signifient les applaudissements et les hurrahs d'enthousiasme qui saluent l'athlète victorieux sur le stade. Dernièrement, ministre de la guerre, pour que la France ait des hommes beaux et forts, a décidé que tous les militaires à la caserne devraient faire du sport. Depuis, je vous assure, on cultive journellement notre musculature et l'on peut dire fièrement, du bout des pieds à la tête, on est des athlètes, des chevilles jusqu'au type, on est des sportifs dans la chambre et dès le matin, caporal pour nous mettre en train, nous fait sauter pendant une heure en hauteur et puis en longueur, il y a des camarades qui tiquent, mais moi je trouve le saut hygiénique, ensuite pour changer de boulot, chacun lance le javelot, c'est plus sain et plus naturel que de lancer l'eau de javel, puis quand on a soif en été, au gymnase on va s'entraîner, on lève de gros poids en l'air, car les gros poids ça désaltère, du bout des pieds à la tête, on est des athlètes, des chevilles jusqu'au type, on est des sportifs. Comme il y a eu des normes comportementales ou des normes de savoir, il y a aussi en éducation physique des normes corporelles. Par exemple, dans les gymnastiques médicales, tout s'organise autour du redressement du corps. Le port de la tête, la fixation des épaules, l'amplification de la cage thoracique deviennent des normes d'excellence que l'éducation physique se crée, comme il y a des normes d'excellence aussi dans les autres disciplines. Il y a cette forme de dressage, il y a cette forme de disciplinarisation des corps qui prend différentes formes selon les périodes que l'on considère. Si vous regardez les gymnastiques militaires, c'est une caporalisation des corps, c'est-à-dire qu'on apprend à l'élève à marcher au pas, on lui apprend à chanter des chants patriotiques, etc. Et puis dans le sport, plus tard, il y a aussi une forme de dressage dans le sens où, pendant longtemps, on a enseigné des techniques sportives que l'on imposait à l'élève, c'est-à-dire qu'on lui imposait un modèle technique qui n'était d'ailleurs pas celui qu'il était en mesure de maîtriser, puisque le modèle technique que l'enseignant pouvait avoir comme référence était le modèle technique du sportif de haut niveau. On sait très bien que le geste technique que maîtrise un sportif de haut niveau, un élève ne peut pas le maîtriser. Néanmoins, c'est ça qui a fait référence, parce que ça donnait aussi à la discipline un savoir d'excellence qu'il n'avait pas forcément auparavant. On arrive en figure d'acrosport. Genre Félix le porte ou je ne sais quoi. Le quoi ? Ou on arrive en hippopotame. Mais une figure d'acrosport, c'est mobile, c'est statique, genre. Tu trouves une figure de 2 ou 4. Disons que ma famille, c'est pas une famille, disons, très sportive, on va dire ça comme ça. Du coup, chez moi, la note en sport n'est pas très importante. Je pense que je fais quasiment aucun sport à part le cours de PS. Et du coup, je pense que d'un côté, c'est nécessaire, même si tout le monde n'a pas les mêmes capacités physiques de base. Et enfin, c'est pas comme un cahier que quand on rentre à la maison, on peut réviser, faire des exercices de maths, relire son cours de français. On peut pas arriver au même résultat de la même façon. L'éducation physique, ici, ne fait que faire la même chose que ce que font les autres matières. C'est-à-dire que quand vous évaluez un élève dans un devoir de mathématiques, sur sa capacité à parvenir au bon résultat, on ne s'interroge pas de savoir si on évalue sa culture familiale, si on évalue des dons intellectuels ou autres. Hein. Les autres disciplines ne se posent pas forcément cette question-là, alors que l'éducation physique, elle, se l'est posée, peut-être parce qu'on a tendance à penser que le côté génétique ou le côté des dons pèse plus sur la dimension physique que sur la dimension intellectuelle. Alors moi, je suis prof de PS depuis 20 ans. Ça fait 12 ans que je suis à peu près au lycée Jean Jaurès à Montreuil. Alors aujourd'hui, vous êtes venu sur une séance d'art du cirque. La grosse différence avec ma génération et cette génération-là, c'est qu'effectivement, maintenant, on va prendre en compte des pratiques moins compétitives, moins traditionnelles, qui sortent des sports co ou des sports de raquettes. On a rentré, par exemple, ce qu'on appelle, nous, la CP5, c'est une famille d'activités, dans laquelle on trouve, par exemple, la musculation, le footing, c'est-à-dire donc des pratiques hors des institutions qui sont plus pratiquées à l'heure actuelle par les jeunes. Et qui est plus sur le sport individuel et se gérer sa vie physique, en fait. Enfin, voilà, au lycée aussi, on n'a que 2 heures par semaine. Donc, on ne va pas se mentir non plus en faisant croire qu'on va en faire des sportifs de haut niveau. Mais on est là plutôt pour leur donner des conseils et des formes de travail qui leur permettront plus tard de continuer à faire de l'éducation physique, mais en autonomie. Ici, vous avez une population plutôt bobo. On est sur un menu badminton, course en natation et art du cirque. Je sais que l'activité art du cirque ne correspond pas à certains élèves qu'on peut avoir, qui sont plus justement dans la confrontation directe en sport co, sur essayer de chercher ou dépasser ses limites en course, et moins sur des activités artistiques où il faut travailler en groupe, mais surtout aussi assumer sa silhouette et son physique devant un public. Et ça, c'est pas forcément évident non plus. Malgré ce qu'ils peuvent montrer, la note, ça reste primordial. J'aurais pas à les forcer si je commence la séance en disant qu'ils sont évalués et que ça compte pour la note. C'est un peu dommage parce que, justement, ils vivent des expériences variées. Et ils vont pas acquérir des compétences seulement sur la note et sur la maîtrise, au contraire. Alors, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est tous les apprentissages induits qu'ils vont garder plus tard, qui sont intéressants plus que le résultat final et le 18 sur 20. On a revu un peu nos systèmes d'évaluation en EPS pour lutter contre justement l'élève volontaire, mais qui a pas à la base des capacités ou un physique qui l'aide, plutôt que celui qui pratique en club et qui vient jamais en cours et qui, au final, avait toujours des super notes. Liste des appareils de gymnastique pour les écoles normales primaires d'institutrices. Perche verticale mobile par paire. Petite corde lisse par paire. Barre à petite sphère en bois. Planche d'assaut à inclinaison variable. Corde à lutter avec poignée. Poutre horizontale. Sautoir complet. Matelas pour les chutes. Échelle horizontale, 5 mètres. Sangle ou chevalet pour exercice préparatoire de natation. 4 mètres. Canne. Échelle oblique avec planche dorsale. Jeu. Raquette ou tambourin. Ballon. Balle. Volant. Corde à sauter. Tir à l'arc. Javelot. Jeu de grâce et de cornet. Jeu de boules et de quilles. Toute la période des années 40, 50, 60 est une période qui est organisée aussi pour la discipline autour d'une problématique qui est la capacité à évaluer de manière rationnelle les élèves. Tant qu'on n'est pas capable de montrer qu'on peut évaluer les élèves de manière rationnelle, de manière juste, on va dans le mur, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans une impasse et on n'est pas une discipline sérieuse en quelque sorte. Donc l'évaluation, la mesure précise des performances et leur transformation en notes va être une problématique qui va être récurrente pendant plus de 15 ans, alors même que, bon, j'ai pu le constater à travers plusieurs témoignages, hein, alors même que cette table, en l'occurrence qui a servi de référence à tous les examens jusque dans les années 80, était fondée sur des principes scientifiques qui étaient faux, hein. Par exemple, beaucoup d'enseignants qui faisaient passer le baccalauréat aux filles sur 1500 mètres s'apercevaient que les demoiselles avaient de très mauvaises notes, et en les faisant lancer le poids, sans entraînement, elles avaient des meilleures notes. Tout simplement parce que l'outil, les études statistiques des performances des filles avaient été mal construites. Donc ça a forcément jouer sur les perceptions que les élèves ont pu avoir de cette discipline à l'école pendant pas mal d'années, ce qui peut aussi expliquer la raison pour laquelle, à partir des années 70, c'est-à-dire à partir du moment où tous ces jeunes qui ont été acculturés à une forme d'éducation physique dans les années 50-60 sont devenus adultes et se sont mis à faire du sport à l'extérieur de l'école, c'est aussi peut-être une des raisons pour laquelle ils sont allés chercher d'autres types d'activités physiques et sportives, notamment les sports californiens, pour justement sortir de ce carcan de l'évaluation que l'école leur avait donné comme modèle. Hein. Le système français est plutôt un système élitiste, fait aussi sur des connaissances classiques et traditionnelles, à voir aussi la place que peut avoir le PS au sein du système. Il y a un côté défoulatoire, alors tout le monde nous l'envie, hein, comme ça on peut donner les élèves qui sont un peu surexcités et qui se défoulent. Maintenant, on n'est pas forcément non plus toujours reconnu. Après, moi j'ai eu la chance dans ma carrière d'avoir des principaux qui étaient très intéressés, parce qu'on a aussi une vision différente de l'élève. Moi, je sais que dans le collège où j'étais à l'époque, on avait une demi-heure de marche pour aller au gymnase. Pendant une demi-heure, vous apprenez beaucoup des élèves. Parce qu'ils se confient beaucoup à vous. Et vous pouvez avoir un œil aussi complètement différent que le prof de mathématiques ou le prof de français. Et des fois, cette vision, elle est recherchée parce qu'elle peut expliquer des baisses de résultats ou des choses comme ça. Un des gros clichés qu'on peut avoir, c'est que l'élève qui est en échec, en cinquième, à qui on lui dit, il va falloir que tu trouves une autre voie, peut-être professionnelle. La première chose qu'il va faire, c'est vous regarder comme vous êtes prof de PS et vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour être prof de PS. Donc en fait, il y a cette image de si on est en échec, je pourrais toujours m'en sortir dans le sport. Sauf que même dans le sport, il n'y a pas de réussite innée. Effectivement, il y a des matins à 8h, j'ai pas envie de me lever. Maintenant, c'est la vie qui est comme ça. On a des obligations, donc on doit être là. À un moment donné, il faut quand même travailler, il faut faire des efforts. Et c'est ce qu'on essaie de la faire comprendre dans toutes les disciplines. C'est un paradoxe qui existe entre le modèle que l'école diffuse et ce pourquoi elle devrait former l'élève à long terme. Donc on essaye toujours de jouer sur les deux tableaux, mais c'est pas forcément compatible. Et donc, de mon point de vue, il y a une limite à pouvoir permettre aux élèves d'aimer la pratique, de s'y investir, dès lors que, à la fin, elle est réduite à un simple chiffre. Je vais vous demander d'abord de courir sur la pointe des pieds pour chauffer un peu vos muscles. Sous l'œil attentif de votre maman, qui certainement se trouve là pour corriger tout à l'heure vos attitudes, attitudes défectueuses, s'il en est. J'espère qu'il n'y en aura pas d'ailleurs. Commencez, courez avec nous, sans bruit, sur la pointe des pieds. Courez, courez, courez. Allez, continuez, continuez. Levez bien les genoux et laissez le dos plat. Et le corps bien droit, la tête en arrière. Courez, courez, courez. Courez, courez encore. Levez plus haut les genoux, s'il vous plaît. Penchez bien le buste en arrière. Le droit, le gauche, le droit, le gauche, le droit et le gauche. Oui, parfait. Enfin, une dernière série d'élévations de genoux et vous cessez. C'était début mars et j'étais tombé par hasard sur un article de Slate qui parlait des souvenirs douloureux de sport collectif. Et voilà, je partageais donc l'article et j'ai ajouté quelques phrases comme ça que je vais lire. J'en rigole aujourd'hui, même avec une certaine tendresse, mais voilà ce que fut ma vie, mon enfance et ma jeunesse, au moment des cours de PS. Dès qu'il y avait match, équipe collective, pour jouer au ballon ou quoi que ce soit, du pied, de la main ou de la tête, j'étais toujours choisi en dernier, comme une patate chaude qu'on se refile pour ne pas se brûler. Mauvaise pioche pour l'équipe qui finalement devait me prendre, reste plus que lui, ça. Ces sélections étaient de longs moments de solitude et de fatalisme, une sorte de couloir de la mort des bacs à sable, l'expérience d'une certaine honte, visqueuse, gluante. Sous moi, au-dessus de moi, un trou. Là, je parle d'une époque, c'est le collège, fin du collège, lycée, donc c'est l'adolescence. Voilà, c'était à Tarbes. C'est une région où il y a un certain culte du sport, notamment culte du rugby, qui qui n'est pas n'importe quel sport, qui est un sport comme ça, collectif, mais aussi avec une certaine dimension de la virilité. Voilà, des choses comme ça qui étaient très, très présentes dans ma famille aussi. Mon père avait essayé de m'emmener au foot. Il a très vite compris qu'il n'y avait pas moyen du tout. J'avais même pas besoin d'exprimer. Ça devait se sentir tellement. C'est comme si c'est deux éléments, quoi. Comme le vinaigre et l'huile, ça ne se mélange pas. Et donc, il n'avait pas insisté. Et le fait qu'il n'ait pas insisté, et qu'il ait d'emblée, comme fait le deuil, que son fils pourrait être joueur de foot ou de rugby, le fait qu'il fasse son deuil de façon si rapide et aussi radicale, ça m'avait aussi marqué dans le sens où j'avais pris conscience de la gravité de mon cas, un peu. Et dans mes souvenirs de classe, il y avait trois catégories. Il y avait la catégorie des sportifs, les vrais, masculins et féminins, ceux-là qui étaient forcément choisis en premier, les chefs d'équipe et autres. Donc il y avait le corps qui va avec, la vitalité qui va avec, l'adresse qui va avec, mais aussi le mental, fédérateur, de leader. La deuxième catégorie, c'était les pas sportifs, mais qui allaient quand même, qui pouvaient en faire du moins à l'école. Ils étaient acceptés, ils pouvaient très bien, ils avaient des notes correctes, mais c'était pas trop leur truc non plus. Mais ça allait encore. Et la dernière catégorie, alors selon les classes, j'ai été seul à occuper cette catégorie où nous étions deux, trois chats noirs. Et cette dernière catégorie, c'était les défauts physiques, les obèses, de temps en temps ceux qui étaient accidentés. Qui ne pouvaient vraiment pas faire de sport pendant 3 mois, par exemple. Je me souviens d'une classe, il y avait un autiste. Et donc, pour les autistes, les sports collectifs, c'est quand même très, très compliqué. Et donc, il n'y avait plus que l'autiste et moi. Et l'autiste, il était autiste. Mais moi, qu'est-ce que j'étais? Et bon, j'ai grandi, j'ai 43 ans. Aujourd'hui, j'ai fait du chemin. Donc, c'est vrai, je vis quand même. Je ne suis pas en train de parler d'une douleur terrible. Mais ça a été quand même fondateur. Et la honte, c'est une vraie expérience. La honte est un truc qui dure. Et un truc dans lequel on est obligé de se construire. Et j'ai encore une colère, cela dit, contre les profs de sport. Je ne me suis jamais réconcilié avec les sports collectifs. Vraiment. Pour moi, au-delà de deux, c'est de l'hystérie, voire de la barbarie. Il y a un effet de groupe, de meute. Le groupe rassure et on soude, d'autant plus qu'on a trouvé un bouc émissaire. Le bouc émissaire permettant de célébrer presque l'amitié. Bref, j'ai fait la natation. La natation, c'est aussi, une certaine solitude. C'est être sous l'eau, c'est quitter le monde aussi. Il n'y avait aucune place pour la parole. Et donc c'est ça aussi qui m'a attiré. Mais cela dit, c'est vrai que je ne fais aucun sport, du tout, vraiment aucun. Mais tout ça, c'est des choix aussi contre. Et contre. Vous ne m'avez pas pris, mais moi je vous refuse complètement aujourd'hui. Ce qui m'a troublé, ce qui m'a ému même dans tous les commentaires que j'ai pu avoir sur Facebook, c'est tous les gens comme ça qui m'ont dit « Mais moi aussi, moi aussi, moi aussi !» Christian, pareil, expérience similaire, j'étais zéro et j'ai eu zéro en gym au bac. Nous sommes la foule des humiliés, quelqu'un me dit. Marie qui me dit « Il faudrait remplacer les cours de gym par des cours de danse. » Bah oui, pourquoi pas. Hervé, j'ai connu ça à l'occasion d'un match amical en camping, et j'ai connu la fierté d'être choisi en premier par mon meilleur pote, qui se doutait de ma souffrance et a voulu l'effacer. Bon, c'est gentil. Romain, moi aussi, on était nombreux. Oui, Claire qui me dit, mais on était donc si nombreux. Avez-vous le sentiment que le français se laisse aller? Est-ce que Vos expériences, docteur Prévost, vos remarques cliniques confirment cette tendance qui nous fait jeter aujourd'hui un cri d'alarme. C'est très exact. Je pense que la plupart des Français se laissent aller, surtout en rentrant de vacances et qui n'entretiennent pas leur forme pour le retour des vacances prochaines. Je pense leur donner deux ou trois petits conseils. C'est surtout de continuer quotidiennement quelques exercices physiques pour avoir une harmonie corporelle complète. La boxe, c'est quelque chose de simple et de compliqué en même temps. Mathias, envoie ça, qu'on voit. On continue. Allez, lâche les coups. Bam, 1, 2, 3. La boxe, c'est le moyen de sortir de sa tête et d'entrer dans son corps. On est dans un lieu de rencontre assez étrange, assez spécial, le sport. On est tous là pour la même raison, pour quelque chose qui peut nous paraître absurde, qui peut parfois être dénigré. La boxe, moi ça m'arrive souvent quand j'en dis, on fait « Ah ouais, alors tu te bats, machin ». Je veux dire, la plupart des gens qui font de la boxe, c'est des gens qui se battent très peu. Parce que quand on fait de la boxe, on apprend à se contrôler, et justement, on a une autre vision de la violence. C'est aussi tout un ensemble, en fait, le sport. C'est être avec des gens, et même les sports qui ne sont pas physiques, en fait. C'est quand même des sports qui sont très appréciés, comme la pétanque. Enfin, je veux dire, c'est des sports qui sont une communauté, quelque chose de social, un lieu de rendez-vous. C'est aussi un lieu de discussion, le sport. C'est ça qui est génial. Le sport, on pourrait se dire que c'est quelque chose d'assez absurde, en fait. Pourquoi on va aller avec des gens, fatiguer notre corps et pousser nos limites Enfin, je veux dire, quel est le but à ça? Après, le plaisir du corps aussi, c'est avoir confiance en soi parce qu'on sait qu'on a la capacité de faire des choses, c'est pas qu'ils sortent de la norme, mais on se dit « oui, j'ai un super cardio, je peux courir pendant longtemps, je peux grimper », ça fait super plaisir de se dire ça. Et c'est tout con, mais par exemple, quand on fait des randonnées et qu'on peut aller marcher 8 heures dans la nature, on a un autre rapport en fait à l'environnement autour parce que aussi notre corps, on le sent et on a l'impression que notre corps, c'est pas juste notre tête, on a l'impression que notre corps, c'est du matériel. C'est comme les cailloux, c'est comme la terre, c'est là, c'est présent, c'est des nerfs, c'est des organes. Et le sport, ça te fait aussi sentir ça, que ton corps, il est là et qu'il est vivant, quoi. Regardez-la danser quand elle s'approche du ring. La boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse. Sur ses gants dorés, des traces de sang, de larmes et de sueur. Et de sang, et de sang. Elle esquive les coups. La boxeuse amoureuse. Elle absorbe tout. Faites du sport. Apprendre le sport, le corps redressé, chiffré et mesuré. Avec Johan Fortune, François Tomaso, Sébastien Nadeau, Yann Andante Gomez et sa classe de première du lycée Jean Jaurès à Montreuil, Marine et Mathias, Olivier Steiner. Merci à Laure Meunier et au club de boxe Marsoulan, Simon Benamou, au lycée Jean Jaurès de Montreuil. Lecture, Catherine Pavet. Prise de son, Olivia Branger, Claire Levasseur. Mixage, Manuel Couturier. Coordination, Perrine Kervran et Marie-Vonne Abolivier. Une émission de Juliette Boutillier, réalisée par Annabelle Brouard. LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Et pour nous réécouter à la salle de sport, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivona Bolivier, Mathias Méji et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, deuxième épisode, du dépassement de soi à la jubilation. Mais en attendant, restez à l'écoute.